Aujourd'hui dans l'affaire sensible, Émile Zatopek, surnommé la locomotive humaine. C'est l'histoire d'un immense athlète tchécoslovaque qui pendant 6 ans, de 1948 à 1954, sera l'homme qui court le plus vite sur Terre en longue distance. Quadruple champion olympique, 18 records mondiaux du 5000 mètres au marathon, invaincu pendant 38 courses aux 10 000 mètres et premier à courir plus de 20 km dans l'heure, Zatopek, trois syllabes magiques pour le sacre du plus grand des trottes menus. Mais l'homme ne saurait se résumer à son palmarès aussi féroce en compétition qu'il était simple dans la vie. Trop naïf à voir à sa femme pour expliquer sa dévotion, ou plutôt sa soumission au régime communiste tchécoslovaque. Athlète d'État, il devint l'un des grands emblèmes du sport soviétique. C'était la guerre froide et c'était de circonstance. Pourtant, militaire par commodité, mais patriote convaincu, il s'insurge en août 68 contre l'entrée des chars du pacte de Varsovie venu enterrer le printemps de Prague. Il est déchu de tout et certains se souviennent, dans les années 70, l'avoir vu ramasser les ordures dans les faubourgs de la capitale. Jamais, pourtant, il n'abdiquera, solidaire et sublime. Mais qu'est-ce qui a fait courir Zatopek ? Notre invité aujourd'hui, Johan Fortune, maître de conférence en histoire du sport à l'université de Rennes et auteur d'un article intitulé « Émile Zatopek dans la guerre froide, de la soumission à la rébellion ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. À Londres, en présence de leur majesté le roi et la reine d'Angleterre, 82 000 spectateurs et 6 000 athlètes venus de tous les points du monde assistent à l'inauguration des 14e Jeux Olympiques de l'ère moderne. Et c'est l'anglais John Mark, le dernier porteur du flambeau venu d'Olympie, qui entre dans le stade. La minute est grandiose. La flamme qui a filé jour et nuit à travers toute l'Europe connaît son dernier relais, son dernier tour. Les athlètes courent pour applaudir ce camarade qui, avec cette flamme, semble leur apporter le droit de lutter et celui de vaincre. Et c'est la montée triomphale vers l'urne dont la flamme va briller tous les jours pendant tous les Jeux de Londres. Londres, jeudi 29 juillet 1948. Dans son uniforme de grand amiral, aux côtés de la reine Elisabeth Ière de la série et de la princesse héritière du trône qui deviendra Elisabeth II, celle d'aujourd'hui, le roi George VI, papa, déclare officiellement ouvert les Jeux de la 14e Olympiade. La première d'un nouveau monde. Car la dernière fois que la flamme olympique s'était allumée, c'était en 1936 à Berlin, sous la houlette d'Hitler. 12 ans plus tard, l'Allemagne nazie a disparu, laissant derrière elle des millions de morts, un continent ravagé, un monde traumatisé. Londres porte encore les stigmates du Blitz, ces féroces bombardements aériens orchestrés par la Luftwaffe. Ainsi, la ville est-elle en pleine reconstruction au moment d'accueillir ces Jeux, retransmis pour la première fois à la télé. Après l'apocalypse, l'Angleterre, symbole héroïque de la résistance du monde libre, veut redonner un souffle d'humanité et de paix en célébrant l'esprit olympique. En guise de colombe, 7000 pigeons sont lâchés. La flamme brûlera pendant 15 jours. Place à la compétition. Le lendemain 30 juillet, dans un stade Wembley plein à craquer, malgré une chaleur accablante, l'athlétisme est à l'honneur avec la finale du 10 000 mètres. 25 tours de piste à perdre haleine. Au-dessus des gradins, sur une grande pancarte, s'affiche la célèbre citation du baron de Pierre de Coubertin « L'important dans les Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part ». Oui, enfin, parole. Car derrière la ligne de départ, les 25 concurrents en short blanc ne pensent, eux, qu'à gagner. À vos marques, le coup de pistolet claque. Le Finlandais Viljo Heino, grand favori et détenteur du record du monde, part à toute vitesse. À 34 ans, il est le dernier membre de la dynastie des coureurs finlandais. Depuis 1912, ils n'ont laissé échapper qu'une seule fois le titre olympique. Mais Heino n'est pas serein. Pendant la course, il le sait, le jeune tchécoslovaque Émile Zatopek, 26 ans, sera sur ses talons. Révélé un an auparavant aux Jeux interliés de Berlin, il n'est pas loin d'égaler son record, établi à 29 minutes et 35 secondes. Pourtant, Zatopek, le grand blond qui sourit tout le temps, est en retrait à la 15e place. La veille, déjà, il se plaignait d'avoir les jambes lourdes, fatigué par la chaleur. Alors, c'est de bonne guerre. Et nous en profite, il prend 80 mètres d'avance dès les premières minutes. Oui, mais il ne faut pas s'y fier. Zatopek économise ses forces. Le plan de sa course, bien en tête. Avec l'aide de ses compatriotes, il a mis en place une tactique pour le moins singulière. Le coureur s'est donné une base de 1 minute et 11 secondes par tour. Et s'il va plus lentement, pas de problème, ses équipiers postés dans le virage d'arrivée agiteront un maillot rouge au-dessus de leur tête. Alors, Zatopek part tranquille, tout de force mécanique et de régularité robotique. Il ne se soucie pas de ses adversaires. Non, il attend le signal. À mi-parcours, il aperçoit enfin le maillot rouge discrètement brandi depuis les tribunes. Alors c'est parti, Zatopek entre dans la ronde et commence à accélérer, implacable. Le duel est farouche entre le Tchèque et le Finlandais. Eno tente d'enrayer la machine, résiste tant qu'il peut. Le sprint final est lancé. Finale du 10 000 mètres. Le Belge Everhart mène. Mais le Noir Ranjan, puis l'Américain Albertson le passe. Cependant, bientôt, Zatopek, numéro 203, dépasse le Finlandais Aino, numéro 238. Zatopek, avec une autorité et une volonté extraordinaire, augmente sans cesse son avance. Il double presque tous ses concurrents. Mais le Français Abdallah vient chatouiller l'amour-propre de Zatopek. Pour longtemps, car de nouveau Zatopek démarre, double et redouble tout le monde, sauf le Français Mimoun qui va prendre une magnifique deuxième place derrière le phénomène tchèque. Et Zatopek est le deuxième grand vainqueur olympique. Et tout le monde s'attend à voir Zatopek s'écrouler après un tel effort. Pensez donc 10 000 mètres en 29 minutes et 59 secondes. Eh bien non. Pas fatigué pour un sou, il se met à gambader tout sourire à travers le stade qui scande son nom et revient dans la tribune qui fond sur lui en hurlant. Avec Zatopek, l'athlétisme tchécoslovaque obtient pour la première fois de son histoire une médaille d'or au JO. Ce n'est pas pour autant l'heure du repos. Dès le lendemain, retour sur les starting blocks pour l'épreuve du 5000 mètres. Zatopek en profite quand même pour visiter Londres. La capitale britannique est bien différente de sa Moravie natale. À l'heure de la course, un fléau nommé pluie, un crachin épouvantable transforme la cendrée dont la piste d'athlétisme est constituée en boule gluante. Des conditions difficiles pour une compétition qui s'annonce d'ores et déjà grandiose. Après Eno au 10 000 mètres, Zatopek rencontre à présent un autre grand champion, le Belge et favori Gaston Reiff. Pendant les trois premiers kilomètres, les deux hommes sont au coude à coude. Mais ralenti par la glaise et par la boue, Zatopek perd du terrain, relégué en troisième position. Gaston Reiff, lui, accélère, prend une large avance. Le public de Wembley est debout. Soudain, une clameur enfle. Zatopek est en train de revenir, oui, et à toute vitesse, regardez-le. Et c'est moins une pour le Belge qui casse le fil d'arrivée avec seulement un mètre d'écart. Dès le lendemain, la presse se fait l'écho d'une course mémorable, d'un sprint final extraordinaire, et partout en lettres noires, ces trois syllabes, Zatopek. Une médaille d'or, une médaille d'argent. Les jeux sont faits pour le Tchèque, qui s'en retourne dans son pays, la Tchécoslovaquie, qui, six mois après le coup de Prague de février 1948, est devenue une terre communiste embarquée dans le giron soviétique. La crise tchécoslovaque est finie. À l'appel des sirènes, les ouvriers rassemblés par le Parti communiste se sont rendus en bon ordre au rendez-vous que leur avait donné sur la place de l'Hôtel de Ville le ministre Gottwald, leur chef. Les actualités françaises présentent ici le film de ces journées pendant lesquelles les yeux du monde entier furent, comme en 1938, fixés sur Prague. Du balcon de l'Hôtel de Ville, M. Clément Gottwald, dans le but d'éliminer les ministres non communistes, a appelé ses partisans à l'état d'alerte et pressé la création de comités chargés d'appuyer son action. Au Radjin, palais des anciens souverains, le président Benesh, après de longues hésitations, a accepté la formation d'un gouvernement dirigé par le Parti communiste. Très touché par cette crise, il s'est ensuite retiré pour quelques jours dans sa maison de Tobor. Cependant, l'attention du monde reste fixée sur Prague. Une révolution pour certains, un putsch pour d'autres, le rideau de fer tombe brutalement sur la frontière occidentale du pays. Et c'est le début d'un long hiver stalinien pour la Tchécoslovaquie, avec ses procès politiques et sa bureaucratie policière. Le pays doit obéir et apprendre à se taire. Les citoyens sont surveillés par une police secrète omniprésente et des purges massives sont organisées. Mais aux yeux du monde, divisé par la guerre froide, il faut donner le change. Alors, les sportifs, les champions peuvent, à eux seuls, incarner un modèle politique. Et Emil Zátopek pourrait bien être un parfait ambassadeur. La réussite, voire la supériorité du modèle socialiste serait lui, l'incarnerait. Les dirigeants communistes ont toujours cru à cette chimère. La chimère du sport. Né le 19 septembre 1922 à Kopchev, initié en Moravie du Nord, sixième enfant d'un père charpentier sans le sou, Emil Zátopek s'est construit seul un destin hors du commun. À 16 ans, alors que la Tchécoslovaquie est partiellement annexée par l'Allemagne nazie suite aux accords de Munich, il quitte l'école pour l'usine. Dans cette région de charbon et d'acier, deux entreprises embauchent à tour de bras, les camions, Tatra et les chaussures, Bata, deux façons d'avancer. Pour le jeune Emil, ce sera les souliers. À Zlin, au centre du pays. La nuit, il étudie la chimie en autodidacte. Et c'est en solitaire également qu'il aborde la course à pied, sorte d'exutoire à un quotidien trop gris. Puis en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les drapeaux nazis envahissent la ville et la Wehrmacht organise des épreuves sportives de propagande. Contraint et forcé, Emil découvre sa capacité d'endurance et de résistance. Jusqu'à y prendre goût. Bien des années plus tard, en 1982, il revient sur ses débuts en temps de guerre sur le plateau TF1. Emil Zátopek, en 1940, à l'époque où devaient avoir lieu ces Jeux Olympiques qui n'ont pas eu lieu à cause de la guerre, quel âge aviez-vous ? J'étais 18. 18 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'époque ? J'ai commencé en 1941, j'ai commencé à courir. Oui. Ce n'était pas aussi très joli pendant la guerre. Mais vous couriez contre les Russes, après les Allemands, ou contre les deux? Non, pendant la guerre, ce n'était pas le mouvement ouvert, le mouvement de sport international. Mais pour s'entraîner, c'était bonne chance. La même chance, par exemple, qu'ici, pour Alain Mimoun. Il a commencé pendant la guerre comme soldat, et a fait grands résultats sportifs, mais il faut dire que Mimoun reste toujours active jusqu'à aujourd'hui. Courir, toujours courir, de tout son cœur, de tout son courage. Courir loin de cette patrie que l'on porte en bandoulière. Courir pour se sentir seul et pour se sentir libre. Tous les jours, Zátopek fonce sur la route jusqu'au village, 8 km sans arrêter, à la Forest Gump. À la nuit tombée, il fait aussi vite que possible l'aller-retour entre l'usine et la forêt. De jour comme de nuit, été comme hiver, jusqu'à ce que ça fasse mal, oui, jusqu'à l'épuisement, car ça fait partie du jeu et ça paye. Il bat plusieurs records nationaux et se fait petit à petit un nom dans son pays. Pour sa première victoire, à 1500 mètres, il reçoit une tranche de pain beurré et une pomme. En 1945, à la libération, la Tchécoslovaquie retrouve ses frontières et reconstitue ses troupes. Appelé à faire son service militaire, Zátopek quitte sans regret les usines Bata. L'armée qui raffole les athlètes lui offre alors de meilleures conditions d'entraînement. Et en la matière, Zátopek a une méthode bien à lui, brutale. Si tous les spécialistes préconisent de ménager ses efforts en dehors des compétitions, Zátopek pense au contraire qu'il faut s'entraîner le plus durement possible. L'hiver venu, par exemple, il court dans la neige avec ses lourdes bottes militaires. Oui, plus de 20 km par jour à ce régime-là. Un régime de forçat, sans médecin, sans masseur, sans diététicien ou préparateur physique. Autre prérequis de la course de fond, étaler son effort sur l'ensemble du parcours. Zatopek opte, lui, pour des séries de sprints répétés, entrecoupés de petites foulées qu'il qualifie de repos. Révolutionnaire à l'époque, la méthode Zatopek conditionnera les générations futures. Il est donc l'inventeur de l'interval training, ou en bon français, l'entraînement fractionné. Voici le style Zatopek, décrit par Jean Echenoz dans son livre « Courir », publié aux éditions de Minuit en 2008. Émile, on dirait qu'il creuse ou qu'il se creuse, comme en transe ou comme un terrassier. Loin de tout souci d'élégance, Émile progresse de façon lourde, heurtée, torturée, tout en à-coups. Il ne cache pas la violence de son effort, qui se lie sur son visage crispé, tétanisé, grimaçant, continuellement tordu par un rictus pénible à voir. Ses traits sont altérés comme déchirés par une souffrance affreuse, langue tirée par intermittence, comme avec un scorpion logé dans chaque chaussure. Il a l'air absent quand il court, terriblement ailleurs, si concentré que même pas là, sauf qu'il est là, plus que personne, et ramassé entre ses épaules, sur son cou toujours penché du même côté, sa tête dodeline sans cesse, brinque-balle et ballotte de droite à gauche. Il donne en course l'apparence d'un boxeur en train de lutter contre son ombre et tout son corps semble être ainsi une mécanique détraquée, disloquée, douloureuse. Sauf l'harmonie de ses jambes qui mordent et mâchent la piste avec voracité. Bref, il ne fait rien comme les autres qui pensent parfois qu'il fait n'importe quoi. Il ne fait rien comme les autres, même si c'est un type comme tout le monde. Voilà ce que voudrait faire croire le pouvoir tchécoslovaque. Ici, pas de starification à l'américaine, mais plutôt l'éloge du travailleur staccanoviste. Émile Zatopek est un bon communiste, voilà ce qui fait toute la différence. Le communisme court vite, c'est bien connu. En 1947, après sa toute première victoire internationale aux Jeux Interalliés de Berlin, il est promu lieutenant. En juin 1949, un an après les JO de Londres, il bat le record du monde du 10 000 mètres, le voilà nommé capitaine. Le camarade Zatopek est envoyé aux quatre coins du pays pour donner des conférences sur le sport, tandis qu'il est contraint de tourner un film consacré à sa carrière. Et il se plie de bonne grâce aux exigences du régime. Tant qu'il peut courir, Zatopek garde le sourire, doux et amical avec tout le monde. Sur la piste, bien sûr, c'est une autre histoire. Et il compte bien le prouver une nouvelle fois au JO d'Helsinki en 1952. Accompagnée de sa femme, l'athlète Dana Zatopkova, qui participe aussi à la compétition, elle lance le javelot, et d'une poignée d'officiels qui ne le quittent jamais, il s'envole pour la Finlande, des rêves plein la tête. Il s'inscrit aux trois épreuves de fond, le 5000, le 10000 et le marathon, avec l'espoir de remporter ce triplé inédit. Le secrétaire général du comité olympique soviétique tente de l'en dissuader, argumentant que personne au monde ne pourrait réaliser trois bonnes performances sur trois courses aussi dures. Les sceptiques seront confondus, pense Zatopek. Il fait beau aujourd'hui, le soleil a bien voulu luire et les gens sont venus beaucoup plus nombreux qu'hier. Le stade est garni environ par 50 000 spectateurs. 50 000 spectateurs qui sont disséminés dans ce merveilleux stade olympique d'Helsinki, bâti spécialement pour l'athlétisme. Et c'est très joli de voir sous les couleurs les survêtements jaunes, rouges ou bleus des athlètes qui forment des tâches parmi les spectateurs car les athlètes ont des quartiers qui leur sont réservés dans les tribunes. Le 22 juillet 1952, Émile Zatopek, dossard numéro 903, n'est pas très en forme pour cette première journée de compétition qui s'ouvre avec le 10 000 mètres. À 30 ans, il est fatigué, les joues creuses, éreinté par ses entraînements et une mauvaise bronchite. Mais dans le peloton de départ, il ne laisse rien paraître. Les commentateurs français, eux, placent tous leurs espoirs dans Alain Mimoun, médaille d'argent de la distance au JO de Londres. Dans le premier kilomètre, le Tchécoslovaque reste sagement en cinquième position, tandis que le Britannique Gordon Parry et le Français Alain Mimoun dominent le débat. Mes amis parcourent, et suivant son rituel, Zatopek accélère et brise la cadence. Assaut répété, cassure soudaine qui affole, épuise et démoralise ses adversaires. Zatopek place des démarrages par un coup et au quatrième kilomètre, seuls Mimoun et Piri peuvent suivre le train. Zatopek, grimaçant dans l'effort selon son habitude, entraîne les deux hommes. Lorsqu'au sixième kilomètre, l'Anglais est décroché. Zatopek et Mimoun sont seuls. Ils doublent un concurrent. C'est une empoignade magnifique. Zatopek se détache au 8e kilomètre malgré les efforts de Mimoun et, déjà vainqueur, pour l'honneur et pour le public, trouve la force de sprinter. Dans une foulée étonnante, doublant pour la troisième fois certains concurrents, il remporte une victoire magnifique en 29 minutes 17 secondes devant Mimoun. Record olympique battu par les deux hommes. 3 jours plus tard, il remet son maillot pour le 5000 mètres et c'est reparti. Mais cette course, reine des Jeux Olympiques, n'est pas vraiment la sienne. Non, il a toujours préféré les plus longues distances et il a face à lui de redoutables rivaux dont l'allemand Herbert Schad, frais comme un gardon, puisque c'est la seule course à laquelle il participe. Zatopek, lui, vise la dernière marche du podium. La place de troisième, c'est honorable. Mais c'est plus fort que lui. À mi-parcours, il trouve encore le moyen de briser le rythme de ses adversaires et les double les uns après les autres. La cloche sonne alors le dernier tour. Zatopek en troisième position donne encore un petit élan et gagne, oui, il gagne, médaille d'or. Le stade d'Helsinki exulte et scande de plus belle ce nom étrange, valse à trois temps, Zatopek, devenu aux yeux du monde l'incarnation de la puissance et de la vitesse. Trois jours plus tard, troisième acte. En dépit des avertissements, Zatopek est bien sur la ligne de départ du marathon. 42 km et 195 mètres exactement pour les galériens du Macadam. Abominable épreuve d'endurance qu'il n'a jamais tentée en compétition. Et tous s'attendent à le voir grimacer. Mais il n'en est rien. Hors de la piste, il retrouve ses traits d'enfant comme lorsqu'il courait entre l'usine et la forêt. Foulée régulière, expression sereine, il échange quelques blagues avec les voitures suiveuses. Les commentateurs sportifs de l'ORTF saluent l'exploit. Zatopek va toujours. Au 30e kilomètre, Peters tombe épuisé. Zatopek, seul en tête, court sans forcer, maillot retroussé. Dans le stade, la foule attend dans le silence l'homme qui va paraître sous la voûte. Et Zatopek paraît. La foule hurle. Extraordinaire, apprécie le duc d'Édimbourg. Zatopek fait son dernier tour, sans hâte et sans fatigue. Et après ses victoires des 5000 et 10 000 mètres, Zatopek battant le record olympique avec 2h23 minutes, ajoute à son palmarès une troisième victoire. Trois médailles d'or raflées en 10 jours et un triplé inédit pour l'athlétisme mondial. Le phénomène tchèque entre dans la légende et gagne un surnom, Zatopek, la locomotive humaine. Bien. Mais jusqu'où ira-t-elle? Déjà, les spécialistes s'interrogent. Comment peut-on mettre aussi rudement son organisme à l'épreuve? Enfin, c'est impensable. Bientôt son corps lâchera, et puis on l'oubliera, comme d'autres coureurs avant lui, comme d'autres après lui. Telle est la dure loi du sport, comme on dit. En attendant, Zatopek court toujours. À Prague, où les héros communistes ne meurent jamais. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. War is an awful day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Run, boy, run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. We'll be right back. and you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy, but for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey, when the night fades away, yeah. De retour en Tchécoslovaquie après son triplé inédit au JO d'Helsinki de 1952, Emil Zatopek, héros national, est accueilli en triomphe. Défilé en voiture devant une foule immense et félicitations officielles du stade de l'armée, il est promu au grade de commandant. Dans les mois qui suivent, on l'exhibe d'usine en usine à travers tout le pays. Il est devenu le nouveau Stakhanov. Le couple qu'il forme avec Dana, elle aussi médaillée d'or à Helsinki, est ainsi érigé en parangon de la vitalité athlétique de l'URSS et de ses satellites. Côté satellite, Zatopek devient rapidement l'objet de tous les fantasmes, de toutes les convoitises. Dans le contexte de la guerre froide, où les batailles se mènent aussi dans les stades, ses performances extraordinaires constituent une pierre dans le jardin de l'oncle Sam. Alors, pourquoi ne pas faire venir ce génie de la course de fond aux États-Unis ? Une missive officielle est envoyée au gouvernement tchèque pour le convaincre de laisser le couple Zatopek traverser l'Atlantique. L'opération est trop ambitieuse, bien sûr. Moscou juge son protégé suffisamment précieux pour ne pas le laisser libre de ses mouvements. Bref, à l'Est, rien de nouveau. À défaut de voyager, Zatopek fait alors ce qu'il peut sur son sol natal. Il court. Et pour pimenter un peu le jeu, il se met au défi de battre tous les records. C'est bien simple. Jusqu'en 1954, il est inégalable, étalon or de la course de fond référence absolue. Aux 10, 20, 25 et 30 km, il est l'homme qui court le plus vite sur Terre. Mais oui, ne lui manque plus que le 5000 mètres. Alors pour l'occasion, on le laisse sortir du pays et c'est à Colombes, en France, que le 30 mai 1954, il complète le palmarès. Le prestigieux champion Emil Zatopek prend le départ d'un 5000 mètres international à Colombes, prêt à se venger spirituellement de certaines difficultés douanières. Zatopek passe rapidement en tête et entame une course solitaire dans son style si personnel où s'allie la souplesse des jambes, la puissance du torse et le rictus de la volonté farouche. Au 1000, 2000, 3000 et 4000 mètres, Zatopek est très au-dessous des temps mondiaux de Gunderag. Puis il se met à doubler tous ses concurrents et réussit un dernier kilomètre fantastique en 2 minutes 43 secondes. Le record du monde du 5000 mètres est battu. En 13 minutes 57 secondes 2 dixièmes, Emil Zatopek conquiert un nouveau record avec une facilité déconcertante. Avec cette nouvelle performance, Zatopek détient simultanément 8 records du monde différents. C'est le premier et le seul de l'histoire de ce sport à réussir cette performance. Dans la presse internationale, cependant, la suprématie de Zatopek commence un peu à lasser. C'est vrai, avec lui, la machine à suspense tourne la ville, et il n'y a plus personne pour s'étonner de ses victoires, non ? Alors on reparlera de lui quand il perdra, se dit-on. Ce qui arrive plus vite que prévu. Première défaite, en effet, en août 1954 au championnat d'Europe. Aux 5000 mètres, il s'incline face au talentueux soviétique Volodymyr Kurtz, qui lui ravit du même coup le record du monde. Zatopek finit troisième. Dans les courses qui suivent, il gagne encore quelques fois, mais il perd de plus en plus. Et la saison 1955 est médiocre, 8e mondial seulement. Ses défaites répétées semblent marquer la fin de sa toute-puissance. Mais pas son vrai déclin, pense-t-il. L'année suivante, auront lieu les JO de Melbourne, et à 34 ans, malgré un corps qui demande grâce, effectivement, Zatopek décide tout de même de retenter l'aventure du marathon. Mais seulement le marathon, puisqu'il estime ne plus avoir aucune chance aux 10 000 mètres. Samedi 1er décembre 1956, Melbourne. Sur une route de banlieue aride et poussiéreuse, accablée de chaleur, Zatopek le marathonien ressemble désormais à un pantin désarticulé. Il ne cesse de perdre du terrain dans une course dominée par le français Alain Mimoun, leur rival de toujours, et aussi l'ami éternel. Et allez Mimoun, qu'on voit ici, il y a 4 ans aussi, en 3e position du sensationnel 5000 mètres, où il lutte contre son rival et ami Zatopek. Cette fois, Zatopek avait gagné. Mais 4 ans plus tard, c'est lui, Zatopek, qui était le premier à embrasser le français Alain Mimoun pour sa magnifique victoire dans le marathon de Melbourne. Et en 1956, ce n'est plus sur le côté du podium, mais au centre, à la première place, que Alain Mimoun écouta cette Marseillaise qu'il avait tant désirée. Au retour d'Australie, Zatopek entame sa dernière saison sans réel coup d'éclat. Et le 11 juin 1957, il fait ses adieux à la course à pied. Comme pour couronner la fin de sa carrière, il est nommé colonel de l'armée tchécoslovaque. Colonel honoris causa, précisent ses collègues, puisqu'il ne doit ses promotions militaires qu'à ses performances sportives. Pendant 10 ans, il prend ses quartiers au ministère de la Défense et continue à donner des conférences à travers la Tchécoslovaquie aux premières loges du désastre qui la guette. Au début des années 60, en effet, le pays tombe dans un marasme sans précédent. La planification étatique et les exigences soviétiques ne correspondent plus aux réalités économiques. L'état des villes se dégrade et dans les campagnes, on commence à crever de faim. Face à cette situation dramatique, une importante réforme est lancée, portée en janvier 1968 par le nouveau secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque, Alexander Dubček. Ce dernier prône un socialisme à visage humain et se met à prendre des décisions qu'on aurait jamais imaginé: suppression de la censure, réhabilitation des anciens condamnés des grands procès iniques, liberté pour tous de voyager à l'étranger. C'est le début du printemps de Prague, dont le 11 mars 1968, un correspondant pour le RTF se fait l'écho. Un Tchécoslovaque qui rentrerait aujourd'hui dans sa patrie après 3 mois d'absence ne reconnaîtrait pas son pays. Tout a commencé avec la dernière session plénière du comité central du Parti communiste en janvier, où la tendance libérale, que l'on appelle ici progressiste, incarnée par le nouveau secrétaire général du parti, M. Alexander Dubček, a réussi à s'imposer dans des circonstances dramatiques. L'éviction de M. Antonin Novotny du poste de premier secrétaire n'a pas mis un point final à la lutte entre les deux tendances qui s'étaient affrontées au comité central. Cette lutte, on la retrouve actuellement dans les organisations de base du parti, où chacun des deux adversaires, par le truchement de ses partisans, tente de faire prévaloir son point de vue. La situation du président de la République, M. Antonin Novotny, se trouve fortement ébranlée. Aussi doit-on s'attendre, dans les prochains jours, à un développement spectaculaire de la situation en Tchécoslovaquie. Émile Zatopek suit et soutient activement les progrès de cette démocratisation pour une Tchécoslovaquie nouvelle, socialiste et libérale à la fois. Un ralliement d'importance, puisqu'il demeure, même retiré des stades, l'homme le plus populaire de son pays. La machine enfantée par l'implacable mécanique stalinienne se retourne pour la première fois contre ceux qui l'ont instrumentalisé. Et Zatopek en paiera lourdement le prix. Car prôner un socialisme à visage humain, c'est sous-entendre que la politique menée en URSS incarne une certaine inhumanité. Opinion intolérable, pour Moscou bien sûr. À l'est de Prague, les nuages s'amoncellent. Dans la soirée du 20 août 1968, 6500 chars et 750 000 hommes du pacte de Varsovie, Roumanie exceptée, passent les frontières et envahissent la Tchécoslovaquie. En une nuit, c'est l'hiver, en plein cœur de l'été. Pas de résistance armée, mais les Pragois refusent de se taire, tout comme Zatopek. Le 25 août, dans une interview, il critique ouvertement les envahisseurs et appelle au boycott de l'URSS à l'occasion des JO de Mexico. En tant que militaire, il prend un risque immense. Qu'importe, il réitère ses propos dès le lendemain au micro de l'ORTF, en français, hésitant, mais toujours avec le sourire. Toute la nation... la même dans l'opinion que nous avons le droit de vivre de notre désir, notre espoir, notre souveraineté. Elles ne comprennent pas, elles sont contre notre démocratie, contre l'humanité, contre tout le progrès. notre pays. Toutes les nations désirent la même liberté. Et si vous me croyez ou non, les Russes, la nation russe, la même désire, la même liberté. Les conséquences sont immédiates. Zatopek troque son uniforme pour le tablier relayé aux cantines du ministère. En octobre 1968, on l'autorise tout de même à se rendre au JO de Mexico, histoire de calmer les esprits à l'ouest. La Suède lui propose l'asile politique. Zatopek refuse, car il n'est pas un fuyard. Il partagera le destin de son peuple, sombre destin. Dans les semaines qui suivent son retour du Mexique, Zatopek est exclu du Parti communiste, radié de l'armée et arraché de son foyer, expédié dans les mines d'uranium de Jakimov, au nord-ouest du pays. 6 ans à forer les terres toxiques, 6 ans sans foi, voire Dana, qui elle est assignée à résidence à Prague. Puis Zatopek est convoqué devant un comité d'apparatchik. Sous la contrainte, il avoue toutes ses erreurs du passé, reconnaît qu'il a eu tort de soutenir les forces contre-révolutionnaires et les révisionnistes bourgeois. Il signe son autocritique et en attendant d'être pardonné, il est éboueur dans les rues de la capitale. En 1975, le purgatoire est enfin terminé. Il devient archiviste en sous-sol au ministère des Sports. Puis il prend sa retraite, célèbre la révolution de velours de 1989, puis s'éteint le 22 novembre 2000, à l'âge de 78 ans. Dans nos esprits pourtant, il court toujours, arborant grimaces de douleur et masques de divinité, témoin et acteur de son temps et d'un monde aujourd'hui révolu. Keep on running. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Zatopek avec notre invité Johan Fortune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire du sport à l'université de Rennes 2. D'ailleurs, vous nous parlez de Rennes, en duplex de Rennes. Vous êtes auteur d'un article intitulé « Émile Zatopek dans la guerre froide, de la soumission à la rébellion ». Article pour lequel vous avez reçu le prix Pierre Arnaud, décerné par la Société française d'histoire du sport en 2010. Voilà. Alors, une première question qui n'est pas directement liée à cette histoire-là, mais nous avons déjà reçu une des historiens du sport pour la Coupe du Monde en 74 ou celle de 78 en Argentine, qui fut la plus politique de toutes. Quelle place tient l'histoire du sport aujourd'hui dans l'enseignement de l'histoire? J'ai l'impression qu'elle tient une place de plus en plus importante. Bah, c'est un courant qui est assez assez dynamique depuis maintenant une quinzaine d'années, et le courant de l'histoire en France commence à reconnaître la qualité de certains travaux effectués par des historiens spécialistes du sport comme un ensemble comme une famille, une sous-famille de l'histoire. Et que le sport devient un vecteur de certains épisodes historiques, et notamment Émile Zatopek. Pourquoi vous êtes-vous intéressé particulièrement à son histoire pour l'implication et la dimension politique qu'elle revêt? C'est ça? Oui, c'est une dimension qui m'a semblé importante, et surtout c'est quelqu'un dont l'histoire est connue, mais quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucun travail académique qui avait été fait sur lui. Mmh. Et si on connaissait son engagement politique, on n'avait pas été forcément fouillé sur la manière dont il s'était traduit concrètement. Et voilà, c'est la raison principale. Après, il y a aussi la dimension liée au fait que c'est un champion reconnu, qu'il traverse les générations. Hein, preuve en est qu'aujourd'hui, il faut lui consacrer une émission. Eh oui. Donc, c'est sans doute pas un hasard. Et, mmh. et cette dimension-là aussi m'intéressait de comprendre pourquoi il arrivait à traverser les générations. Mmh. Est-il l'exemple, je vous demanderai pourquoi d'ailleurs tout à l'heure, mais quand même, est-il l'exemple le plus parlant, l'incarnation même de l'instrumentalisation d'un sportif pendant la guerre froide? Parce qu'il y a aussi, Nadia Comăneci, bien sûr, hein, la Roumaine, qui a joué ce rôle au JO, à son corps défendant d'ailleurs, au JO de Montréal en 76. Je pense aux nageuses est-allemandes dont on a brisé les corps à coups de substances dopantes. Vieille tradition, ça, de mettre comme ça au tenté, de mettre le modèle communiste en avant par le sport. Bah, disons que ça a été effectivement, le sport a été un vecteur essentiel de cette revendication politique de la part du Bloc de l'Est. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs exemples, hein, qu'on peut donner, mais le cas de Zatopek est, semble-t-il, quand même assez parlant et assez caractéristique. Et puis ça a été surtout, il est retenu parce que c'est surtout un des tout premiers, en fait, qui est apparu tel quel. Est-ce qu'on le retient? Vous disiez tout à l'heure, il a traversé plusieurs générations. Est-ce qu'on le retient plus pour ses performances hors norme, hein? Il est peut-être à la course de fond, ce qu'était Pelé au football, je sais pas, il est hors norme, d'un point de vue sportif. Ou est-ce que c'est à cause de ce destin personnel qui va épouser l'histoire de son temps, de son pays et de la politique? Bah, c'est sans doute les deux, mais j'ai envie de dire, au niveau des records, si on regarde maintenant aujourd'hui les performances, Zatopek serait paraîtrait presque ridicule dans une course. D'ailleurs, il n'excéderait même pas aux qualifications. Mais pour son époque, effectivement, c'est quelqu'un qui apparaît comme un dominateur extraordinaire. Il fait ce coup formidable à Helsinki de remporter 3 médailles d'or, et donc ce qui fait évidemment monter le personnage. Mais il est aussi un héros parce que il a ce destin tragique, effectivement. Et s'il n'y avait pas eu ce déclassement, on va dire, de la part de la société tchécoslovaque au moment après le printemps de Prague, il est sans doute évident qu'il aurait eu peut-être moins de résonance, enfin du moins son personnage aurait peut-être été moins résonnant dans l'histoire, oui. Alors on va revenir sur la grande année sportive de Zatopek en 1952 avec les JO d'Helsinki. On va écouter une archive ensemble qui date de septembre 2000, où on entend le journaliste sportif Robert Pariente revenir sur le contexte particulier de ces Jeux finlandais. 1952, Helsinki, ce furent des Jeux magnifiques avec une organisation parfaite des Finlandais. Mais ce furent des Jeux aussi qui eurent lieu en pleine guerre froide. Nous étions en 1952 au cœur de la guerre de Corée. Les Américains combattaient en Corée et on a été à plusieurs reprises très proche d'une conflagration atomique et avec la Chine et avec l'Union soviétique. Il faut savoir que pendant des années, la circulation de Berlin pour aller vers l'Ouest était absolument précaire. Et les Jeux avaient lieu à Helsinki, non loin de l'Empire soviétique. Et les Soviétiques participaient pour la première fois aux Jeux. Ils avaient accepté de déplacer une équipe importante. Ils s'estimaient prêts à concourir au plus haut niveau et à obtenir un grand nombre de médailles. Mais ils avaient demandé à être isolés totalement au village, qui était scindé en deux parties. Et on n'accédait pas du tout à la partie où résidaient les Soviétiques. Alors, ça faudrait nous expliquer, parce qu'on a du mal à comprendre, pour les Soviétiques, les Jeux Olympiques auraient dû et pu être considérés justement comme un vrai terrain, pourquoi pas de propagande, hein, sportif, mais aussi de propagande. Pourquoi ont-ils boycotté les Jeux jusqu'en 52? Ben, tout simplement parce que le sport à ce moment-là était largement considéré comme le produit de la bourgeoisie, en fait, tout simplement, et qu'ils refusaient de s'inscrire dans ce modèle, et surtout parce que je pense aussi qu'ils ont mis du temps à construire leur modèle sportif, et que avant 52 ils n'étaient tout simplement pas prêts à présenter peut-être beaucoup d'athlètes performants. Et après, à partir de 52, la donne a été différente, la guerre froide est arrivée, et du coup ils ont compris aussi que l'importante caisse de résonance que pouvait représenter ces compétitions sportives pour affirmer leur modèle politique. Oui, jusqu'à vouloir les organiser en 80, et là ça se retourne contre eux, puisqu'un certain nombre de pays boycottent les Jeux soviétiques, oui. On se souvient. Et puis il y aura la monnaie de la pièce en 84 avec les JO de Los Angeles. Bien, à l'époque, et jusqu'à 1981, me semble-t-il, les JO sont réservés aux sportifs amateurs. Mais en 52, dès 1952, Zatopek est accusé de professionnalisme. Alors il est menacé d'être exclu des JO. Vous pouvez revenir sur cet épisode-là? Et pourquoi? Oui, alors il n'est pas le seul en fait à être dans ce cas-là, parce que effectivement, comme ces sportifs sont instrumentalisés par le régime, ils ont des places en or, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il est militaire, mais il peut consacrer une large partie de ses journées à s'entraîner. Et en fait, comme ces victoires lui amènent un avancement dans les grades, il est considéré comme un professionnel caché en quelque sorte. Mais ce modèle n'est pas inhérent simplement au bloc soviétique. On retrouve la même chose chez les étudiants américains, qui bénéficient par exemple de bourses pour pouvoir aussi s'entraîner dans les universités dans de très bonnes conditions. Donc cet amateurisme, il est prôné dans le discours, mais en réalité il est largement bafoué dans les actes, mais ça reste caché, quoi. Alors, Zatopek nous éclaire aussi sur le mot stakhanoviste, bon, qu'on emploie tous, hein, voilà, bête de travail, à ceci près que Zatopek, lui, devient un stakhanov, alors le vrai stakhanov, hein, c'est-à-dire qu'on va le montrer dans les usines, comme on faisait du temps de stakhanov en Union soviétique, c'est ça? Exactement, oui, il est l'icône d'un régime, et on utilise son image pour encourager les ouvriers à se surpasser dans les modes de production. On retrouve dans la littérature de propagande ce genre de témoignages, et il va pousser la population par l'exemple qu'il donne à se surpasser et à entrer dans cette notion de productivité, effectivement. Et comment il le vit, lui, cet épisode-là? Parce qu'après, il va se retourner, on va y venir. Mais lorsqu'il est l'instrument du pouvoir, l'homme modèle, le Stakhanov moderne, comment il le vit? Comment il le vit? Comment il le vit concrètement, non, c'est difficile de le savoir, mais en tout cas, il se soumet à ce régime, et en même temps, il arrive aussi à lutter contre lui de manière un petit peu plus dissimulée, puisque par exemple, pour les Jeux de 52, il ne prend pas l'avion avec la délégation, hein, il le prend quelques jours plus tard, pour avoir défendu un athlète dont le père avait été accusé de rébellion contre le régime. Et du coup, ça montre aussi qu'il arrive, par des biais divers et variés, à lutter aussi, à utiliser son image pour lutter contre la rigueur du régime. Et d'ailleurs, il dit aux autorités, s'il n'y va pas, moi j'y vais pas non plus, hein. C'est comme ça. Donc il a du pouvoir, en fait, il prend du pouvoir, mécaniquement. Oui. Il utilise son image aussi pour ce pouvoir, pour montrer qu'il n'est pas non plus que l'instrument de ce régime politique. Oui. Alors, il y a après le retournement de 1968. Il prend conscience que son pays peut être différent, que le déterminisme politique, eh ben, on peut passer par-dessus. Ça a été le rêve tchécoslovaque, hein, ça a été la définition du printemps de Prague. Là aussi, sincérité encore dans cette démarche-là, de la part de Zatopek. Sans doute un peu de sincérité, aussi un peu d'opportunisme. C'est évident qu'il avait effectivement bénéficié aussi des faveurs du régime. Il ne faut pas oublier que le couple Zatopek, pendant la rigueur soviétique, bénéficiait par exemple d'un appartement à la campagne, en plus de la maison en ville. Donc ils avaient des conditions de vie assez décentes. Ils pouvaient voyager, quoi. Etc. Ils avaient fait des parties. Et donc, quand le régime a évolué et s'est ouvert un petit peu vers davantage de démocratie, il a senti aussi très certainement que les idées démocratiques étaient possibles en Tchécoslovaquie, et comme c'était, je pense, un homme qui avait foncièrement qui était en accord avec ses idées démocratiques, il a aussi sans doute tenté, comme beaucoup de Tchécoslovaques à l'époque, d'ouvrir la porte de pousser la porte qui était en train de s'ouvrir, quoi. Alors, je crois savoir que vous êtes en train d'écrire de nouveaux articles sur Zatopek, DEUX, hein, le chiffre 2, c'est ça, et notamment sur la permanence du mythe Zatopek dans la culture, en BD, film en préparation, roman. De quoi est constitué ce mythe? Eh bien, l'histoire de Zatopek a été largement racontée. On retrouve dans des exemples dans la littérature, chez des biographes, des romanciers, des auteurs de bandes dessinées, de la publicité aussi, puisque Adidas a repris son image en 1995 pour vendre une paire de chaussures. Son dessin avait été brodé sur les survêtements tchèques pour les Jeux Olympiques de Londres. Donc on voit bien que régulièrement, en fait, il revient dans l'actualité. Son histoire revient dans l'actualité, elle est déclinée de manière plus ou moins différente, mais à chaque fois avec les mêmes clichés, les mêmes repères. Et de mon point de vue, c'est ce qui fait la création du mythe, c'est-à-dire que cette image, cette histoire revient régulièrement, traverse les générations, et finalement on la connaît toujours, quoi. Vous avez entendu des clichés là pendant ces quelques minutes? Allez. Je pense que, par exemple, l'histoire de l'entraînement avec les bottes, est sans doute un peu de vrai, mais ne me semble pas être réaliste par rapport aux possibilités d'entraînement qu'il avait. Il l'a sûrement fait quelques fois, mais pas de manière aussi systématique, je pense. Enfin, il l'a fait une fois, déjà, ça légitime. Exactement. Alors, ce mythe, c'est aussi construit en France, en tout cas, autour de sa rivalité et de son indéfectible amitié avec le grand coureur Alain Mimoun. On va écouter la réaction, justement, d'Alain Mimoun à la mort de Zatopek. C'était le 22 novembre 2000. Ça fait vraiment de la peine. Mieux que, peut-être, qu'un membre de ma famille. Parce que c'était vraiment un frère. On était... C'est ça, le sport comme du temps des Grecs, là. C'était vraiment de l'olympisme. On n'était pas des adversaires. On nous courait l'un contre l'autre, et sitôt la course finie, on montait sur la pelouse et on s'embrassait comme deux membres de la même famille. Ce monsieur, c'est vraiment un destin. On était programmés tous les deux pour se connaître. Zatopek et Mimoun étaient champions olympiques dans le ventre de leur maman. Et voilà un gars qui, comme moi, qui était très pauvre. Si Zatopek n'avait pas existé, peut-être que Mimoun n'aurait pas existé. J'aurais pas été aussi populaire si j'avais pas un adversaire comme Zatopek. Tandis qu'une bagarre comme ça, il fallait la mériter. Il fallait en paver pour arriver. C'est des moments impérissables, ça. Et oui, c'est comme Antil et Poulidor, par exemple, ou Borg et McEnroe. Exactement. L'un existe aussi à travers l'autre. Donc pas de Mimoun sans Zatopek, on est d'accord? On est d'accord, complètement d'accord. Bien, et ça marche évidemment dans les deux sens. Bien, merci infiniment Johan Fortune, maître de conférence en histoire du sport à l'Université de Rennes 2. Merci pour vos éclairages et vos précisions. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.